بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc alhamdulillah, on continue aujourd'hui notre cours de l'explication ou des commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala à propos du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. Et on est arrivé au verset maintenant que le Cheikh a cité, Cheikh ibn Taymiyyah, le verset 121 dans Surat al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit le Cheikh ibn Taymiyyah, وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. Donc ça c'est le verset 121 dans sourate Al-An'am. On va lire le verset en question, puis on va lire après les commentaires la signification de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: les diables inspirent à leurs alliés, donc ça ici c'est la preuve que les alliés, ils ont des, les diables ont des alliés, ils ont des awliya. Donc les diables inspirent à leurs awliya de disputer avec vous. Et si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des mushrikines, des gens qui font le shirk avec Allah et qui associent avec Allah. Donc on va lire l'explication maintenant, et vous allez voir par rapport à l'explication le contexte de ce verset. Le Cheikh il dit awliya'ihim, yani awliya' ash-shayatin min al-kuffar wal-munafiqin. Wa al-aya min surah al-an'am fi siyaq istibahah al-mayta. Li'anna al-mushrikina yastabihuna al-maytat. Wa kanu yastabihuna al-mayta. ويقولون إن الله هو الذي ذبحها فكيف لا نأكل مما ذبحه الله ونأكل مما ذبحتم. وهذه مقالة المشركين يقولون إن الميتة إن الميتة الله هو الذي زكاها الله هو الذي زكاها أما الذبائح أنتم الذين ذبحتموها. وهذه المقولة أوحاها إليهم شياطين فارس من المجوس. Donc on va traduire cette partie là. Donc Allah dans ce verset il mentionne les awliya des shayatin. Donc les shayatin ils révèlent à leurs alliés parmi les kuffars et les munafiqin. Et le verset est dans le contexte dans Surat Al-An'am, et le verset est dans le contexte de ceux qui veulent essayer de rendre licite la viande morte. Et quand on parle de la viande morte, on parle de la viande qui n'a pas été égorgée. Donc soit la viande d'un animal qui est mort de mort naturelle, ou un animal qui est mort par à cause d'une chute, ou qui a été tué par un autre animal, ou un animal qui a été écrasé ou autre. Donc, c'est-à-dire l'animal est mort sans qu'il soit égorgé et sans qu'on ait mentionné le nom d'Allah dessus. Donc, le Cheikh il explique que les mouchriquins ils rendaient halal, et ils considéraient comme étant halal les viandes mortes et les animaux morts. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les mouchriquins ils disputent, et le diable leur inspire des arguments, le diable leur inspire des shubuhat pour essayer de faire tomber les croyants dans leurs égarements. Donc ils utilisent des arguments et des raisonnements pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font comme actes qui sont contraires à l'islam. Et donc ici par exemple le fait de manger les animaux morts, et ils disent la viande morte c'est Allah qui l'a sacrifié, qui l'a égorgé. Donc comment ça se fait que vous mangez la viande que vous égorgez vous-même, mais vous ne mangez pas la viande que Allah a égorgée, en voulant dire que Allah a fait en sorte qu'elle meure, hein, il a causé d'une certaine façon, il a prédestiné leur mort, et donc c'est Allah qui les a égorgés, donc pourquoi vous ne les mangez pas tandis que vous mangez la viande que vous égorgez vous-même. Et ça, le cheikh il dit, ça c'est une parole des mouchriquins. Et ils disent que la viande morte, c'est Allah qui l'a sacrifiée, tandis que les sacrifices que nous mangeons, c'est la viande que nous avons égorgée nous-mêmes. Et donc ça, c'est parmi les paroles que les diables ont inspirées aux Majus, parmi les Perses qui adoraient le feu et qui adoraient yani, d'autres que Allah. Et ça c'est mentionné dans les livres de tafsir. Et le cheikh il explique, il dit yuhuna ila awliyaihim min mushrik al-arab yani awhu ilayhim hadhihi al-firya fa qalu inna Allah dhabahahu innaha inna alladhi dhabahahu Allah huwa al-mayta awla min al-muzakkah allati dhabahtumuha. Donc yani les alliés du diable, ils inspirent à leurs alliés, les diables, ils inspirent à leurs alliés parmi les mouchriquins arabes, ce mensonge, et cette calomnie, ce mensonge. Et ils disent que yani, la viande morte, c'est Allah qui l'a égorgée, et que ça mérite plus d'être mangé que la viande que nous avons égorgée nous-mêmes. Et il dit وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أي شَيَاطِينَ الْإِنسِ يوحون لا يوحون إلى أوليائهم يعني بهذه الحجة الباطلة ليجادلوكم. Donc les diables, c'est-à-dire les diables parmi les hommes, parmi les humains, les shayatines parmi les humains, ils inspirent à leurs alliés, à leurs awliya, cet argument totalement fausse dans le but de disputer avec vous. ليجادلوكم أيها المؤمنون, pour disputer avec vous, ô vous les croyants. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أي إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فِي اسْتِبَاحَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ لِأَنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْرِيمَ حَقٌّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّلَ وَيُحَرِّمَ هَذَا حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ هُوَ الَّذِي يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ وليس لأحد أن يحلل ويحرم دون الله وهذا شرك في الطاعة والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, et donc si vous leur obéissez, Allah il continue dans la suite du verset, et si vous leur obéissez dans le fait de rendre halal la viande morte en vous basant sur leur raisonnement, et que vous croyez en leur raisonnement et que vous l'acceptiez, et que vous, à cause de ça, vous rendiez halal la viande morte, alors dans ce cas-là, vous devenez des mouchriquins. Le cheikh, il dit, et si vous leur obéissez dans le fait de rendre halal ce que Allah a rendu haram, alors dans ce cas-là, vous êtes devenus des mouchriquins dans le fait de rendre halal ce que Allah a rendu haram. Parce que ça, c'est un droit exclusif d'Allah. Et ça, c'est vrai par rapport à la viande morte, si on le rend halal, alors que c'est haram, mais ça peut être également vrai pour d'autres choses que les mouchriquins et les kuffars essaient de rendre halal parmi les choses haram. Et ils essaient d'utiliser, pour les justifier ou pour les rendre halal, des arguments rationnels ou des arguments qui sont en fait des shubuhat qu'ils essaient d'utiliser pour justifier cette chose qu'ils font. Alors, si on accepte leur argument et qu'on laisse de côté le jugement d'Allah et qu'on rend halal ce que Allah a rendu haram, alors dans ce cas-là, certes, quelqu'un qui fait ça, il devient lui aussi un mushrik, un kafir. Pourquoi ? Parce qu'il rend halal ce qui est haram. Et le cheikh il dit que yani, le fait de rendre halal ou de déclarer quelque chose halal ou haram, c'est un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est permis à personne, il n'est pas permis à quelqu'un de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, parce que ça c'est un droit exclusif d'Allah. Personne n'a le droit de rendre halal ce qui est haram en dehors d'Allah, et ça c'est dans le shirk qu'on appelle le shirk dans l'obéissance. Ça c'est le shirk qu'on appelle le shirk dans l'obéissance, wal'iyadhu billah. Donc le cheikh il continue, il dit wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun, yani shirkun fi at-ta'a naw'un min anwa' ash-shirk wash-shahidu min al-aya yani la yuhu ila awliya'ihim فدل على أن من استحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فإنه من أولياء الشيطان وأما من أحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله فإنه من أولياء الله. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et dans le verset Allah dit ce qui signifie, et si vous leur obéissez, hein, comme on l'a dit, dans le fait de rendre halal ce qui est haram, et dans le fait d'essayer de justifier le péché, hein, en utilisant leur jugement et leur argument qui est faux, et que vous les suivez dans ça, alors dans ce cas-là, vous êtes des mouchrikoun comme eux, vous êtes des mécréants comme eux, des associateurs comme eux, parce que vous avez fait le shirk dans l'obéissance. Et ça, c'est une des formes, parmi les formes de shirk. Et donc le point qui est tiré dans ce verset-là par rapport au sujet du livre, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيُوحُونَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَئِهِمْ, c'est-à-dire ils inspirent à leurs alliés parmi les diables. Et ça c'est la preuve que celui qui rend halal ce qui est haram, ou qui rend haram ce qui est halal, alors il fait partie des alliés du diable, il fait partie des awliya du shaitan. Donc, et il dit, tandis que celui qui croit et qui rend halal ce qui est halal, ce que Allah a déclaré halal, et il considère haram ce que Allah a rendu haram, alors lui c'est un des alliés d'Allah. Ensuite le cheikh il passe à un autre verset, le verset 45 dans sourate Maryam. Donc cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il cite ce verset, le verset 45 dans sourate Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa qala ta'ala an al-khalil alayhi salam يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم. Donc le cheikh il dit, il cite ce verset dans sourate Maryam, et on va lire la signification. Et donc ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la parole de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il s'adresse à son père, et il s'adresse à lui en lui disant ya abati. Ya abati, c'est comme ya abi, mais une forme plus, encore plus respectueuse, hein, plus yani, plus respectueuse et plus, encore plus affectueuse, hein, ya abati. Et donc il dit dans ce verset, ô mon père, il m'est venu de c'est le verset 45, oui. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du shaitan. Que tu ne deviennes un allié du shaitan. Et là le cheikh il commence maintenant à expliquer le contexte de cette histoire par rapport à Ibrahim alayhi salam. Donc il dit Ibrahim alayhi salam lamma نور الله قلبه بالإيمان والتوحيد من بين قومه الذين يعبدون الكواكب ويتخذونها آلهة من دون الله ويصنعون لها التماثيل على صور الكواكب ويعبدونها من دون الله أرسل الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل وينكر عليهم عبادة الكواكب والتماثيل. Donc le cheikh il dit que Ibrahim alayhi salam, lorsque Allah a illuminé son cœur par la foi et par le tawhid parmi les gens de son peuple, hein, ceux qui adoraient les étoiles et les astres et qui les prenaient comme des divinités en dehors d'Allah et qui construisaient des statues à l'image de ces astres et qu'ils adoraient en dehors d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé son aimé, hein, son prophète, son aimé Ibrahim alayhi salam, pour les appeler à Allah et pour condamner et les condamner par rapport à ce qu'ils faisaient, pour critiquer et rejeter ce qu'ils faisaient comme adoration des étoiles et des statues. Et il a commencé par son père. Le cheikh dit wa bada abi abi. وهذا دليل على أن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بأقاربه يعني قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. Donc le cheikh il dit, donc il a commencé par son père pour faire la da'wah, il l'a appelé à l'islam. Et il dit que ça c'est la preuve que celui qui veut appeler à Allah et inviter à Allah, il commence en premier par ses proches. Et il cite le verset 214 dans surat Ash-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et avertit ta famille proche. Avertit ta famille proche. Donc tu commences par avertir tes proches. Le cheikh il dit wa amma an tadhhab lin nas wa ahlu baytik wa aqarib wa aqriba'uk ala ad-dalal tusafir wa tab'ud wa tad'u an-nas ila Allah wa tatruk ahlak wa tatruk 'ashiratak wa tatruk ahl baladik fa hadha khilaf sunnati al-anbiya alayhi as-salatu was-salam atamuruna an-nasa wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Naam. Donc le cheikh il dit, par contre si tu pars vers les gens, hein, puis tu vas appeler les gens qui sont éloignés de toi alors que les gens de ta maison, tes proches, sont dans l'égarement, tandis que toi tu voyages puis tu t'en vas loin pour appeler d'autres personnes à Allah, et tu laisses ta famille et tu laisses tes proches, tu laisses les gens de ton pays. Il dit ça c'est contraire à la sunna des prophètes. Tu veux que je recommence? Ok. Donc le cheikh il dit que dans l'acte, le fait que Ibrahim alayhi salam a commencé par son père, hein, il y a une preuve que tu dois commencer par tes proches. Quand tu fais la da'wah, il a cité le verset, hein, commence par ta famille proche ou les proches de ta famille, et il dit ensuite donc de partir loin et de laisser de côté ta famille et tes proches dans l'égarement, tandis que toi tu t'en vas loin pour inviter des gens à Allah dans d'autres pays, et tu laisses ta famille et tu laisses tes proches. Il dit ça c'est contraire à la voie des prophètes et à la sunna des prophètes. La sunna c'est que tu commences par ta famille en premier avant d'aller appeler des étrangers, et avant d'aller appeler des gens qui sont loin, tu commences par les gens de ta ville, les gens de ton pays, les gens de là où tu es, avant d'aller loin. Il dit parce qu'il y a des gens comme ça, comme le frère, il dit Jamaat Tablir, et ben eux c'est souvent ça qu'ils font, et ils laissent de côté leur propre population qui dans leur pays sont pris dans le shirk et dans les bid'ah, hein, et qui adorent les morts et les tombes. Ils les laissent de côté, puis ils s'en vont dans d'autres pays, hein, ou peut-être même dans d'autres pays qui sont dans un état beaucoup mieux que leur pays à eux, pour aller, hein, les soi-disant les appeler à l'islam, alors que eux-mêmes ils n'ont même pas compris la réalité de la signification de l'islam. Donc le cheikh il cite ensuite, il dit قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإبراهيم عليه السلام بدأ بأبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا, يعني كان صديقا, الصديق هو المبالغ في الصدق, ولا أحد أصدق من إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه يا أبتي انظر يخاطبه بقوله يا أبتي, يعني من باب الاستعطاف, يا أبتي لما يعني تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, هذا من باب المخاطبة بالعقل, وهذا هذا التمثال الذي تصنعه أنت لأن والد إبراهيم عليه السلام كان يصنع التماثيل والتمثال لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولماذا تعبده ها؟ لماذا تعبده يخاطبه بالعقل donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset est-ce que allez-vous ordonner aux gens le bien tandis que vous vous oubliez vous-même hein? Vous, alors que vous avez récité le livre hein, alors que vous récitez le livre n'allez-vous pas utiliser la raison et réfléchir et c'est dans le verset 44 dans surat al-Baqara puis ensuite le cheikh il dit et Ibrahim a donc commencé par son père et il cite le verset 41 dans surat Maryam dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et rappelle dans le livre Ibrahim il était certes un véridique un prophète et يعني, il était donc un véridique et le véridique c'est qui en arabe as-siddiq as-siddiq c'est plus que as-sadiq as-sadiq c'est la personne véridique mais as-siddiq c'est la personne qui est extrêmement véridique ou qui est يعني, qui va jusqu'au plus à la limite la plus éloignée possible dans la véracité et dans le fait d'être véridique. Donc c'est la personne la plus véridique qui soit. Et c'est le cas de Ibrahim alayhi salam. Personne n'était plus véridique que lui alayhi salam. Et il dit "Idh qala li abihi ya abati." Lorsqu'il dit à son père, hein, "Oh mon père." Mais comme je disais tout à l'heure, ya abati, ça veut pas juste dire "Oh mon père." C'est comme s'il disait "Oh mon petit père." Hein? Oh mon cher, mon père chéri, hein? C'est une expression qui démontre et qui montre l'affection, hein. Mimbab al-isti'taf. Donc il essaie de l'amadouer par le sentiment, par la douceur. Et donc il lui dit, oh mon père, ya abati, hein. Pourquoi tu adores ce qui ne peut ni entendre, ni voir, et qui ne peut rien te profiter, en quoi que ce soit. Donc le cheikh il dit, regarde comment il lui parle par la raison. Parce que Ibrahim, le père d'Ibrahim, c'est quelqu'un qui fabriquait les statues, les idoles. C'était un fabricant d'idoles. Donc, non seulement il les adorait, mais il les fabriquait en plus. Donc ça, c'est plus grave encore. Donc il fabriquait les statues et les idoles. Et il savait très bien que ces idoles-là, elles ne peuvent ni entendre, ni voir, et qu'elles ne peuvent profiter, hein, en quoi que ce soit. Donc dans ce cas-là, pourquoi tu l'adores ? Donc il lui parle par la logique. Et ça, n'importe quel idolâtre, n'importe quelle personne qui adore des statues ou des choses en dehors d'Allah, il ne peut pas renier ça. C'est quelque chose, c'est la logique, la pure logique. Il n'y a personne parmi les mouchriquins qui prie à des statues ou des idoles qui va dire « Oui, ma statue, elle entend. Oui, ma statue, elle voit. Oui, ma statue, elle peut faire quelque chose. » Non. Parce que lui-même, il le sait. Il a pris la matière avec laquelle il l'a fabriquée, hein, que ce soit du bois, ou que ce soit de la pierre, ou que ce soit un autre parmi les différents matériaux. C'est lui-même qui l'a gravé, qui l'a sculpté, qui l'a formé. Et il sait très bien que c'est de la matière inerte, qu'elle n'a aucun pouvoir, ni pour se sauver elle-même, ni pour sauver quelqu'un d'autre. Et donc le cheikh il dit fadalla ala anna Allah azza wa jal mawsouf bis sam'i wal basar li'anna Allah law lam yakun yasma' wa yubsir la qala walid Ibrahim wa anta aydan ta'budu man la yasma' wa la yubsir fa hadha fihi ithbat as-sam' wal basar lillah azza wa jal. Donc le cheikh il dit ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de l'ouïe et de la vue. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'entendait pas et s'il ne voyait pas, eh bien le père d'Ibrahim alayhi salam, il lui aurait répondu, et toi aussi tu adores ce qui ne peut ni entendre ni voir. Et le cheikh il dit ça, c'est la preuve donc qu'on doit affirmer et qu'on affirme l'ouïe et la vue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite, عز وجل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما يدفع عنك إذا نزل بك مرض أو نزل بك شدة أو ضيق هذا حجر ما ينفعك في شيء ولا تغني عنك شيئا. Donc c'est comme si pour dire cette statue, hein, si tu es malade, elle ne peut pas enlever la maladie. Si une difficulté ou une gêne qui tombe sur toi, c'est de la pierre, ça ne peut rien faire pour te sauver, ça ne peut pas te profiter en quoi que ce soit. وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ يعني بَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ يَدْعُهُ عَنْ عِلْمٍ وَلَيْسَ عَنْ عَاطِفَةٍ ولكن عن علم فيدل على أن الداعية إلى الله يجب أن يكون على علم ولا يدعو وهو جاهل إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن Asiyya, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc pourquoi tu adores ce qui ne peut ni entendre ni voir et qui ne peut rien te profiter, hein, il ne peut te profiter en quoi que ce soit. Et il dit, oh mon père, il m'est venu une science, ou il m'est venu de la science. Donc le cheikh il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie que Ibrahim alayhi salam, il est en train d'appeler son père avec science. C'est pas avec des sentiments, hein, mais avec de la science, avec du savoir, hein, avec la révélation que Allah lui a donnée. Et le cheikh, il dit que ici c'est la preuve que la personne qui fait la da'wah et qui invite à Allah et qui est un prêcheur à Allah, eh bien, il doit avoir de la science. Il doit pas faire la da'wah alors que c'est un ignorant. Connaît pas la religion. Et le cheikh il cite ensuite les versets 43 à 44 dans sourate Maryam, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dit inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati lima ta'bud ash-shaytan aw ya abati la ta'bud ash-shaytan نعم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا لأن عبادته للتماثيل هي عبادة للشيطان وهو الذي أمره بذلك التمثال ما أمره التمثال حجر وما أمره أن يعبده من الذي أمره الشيطان لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا من أول الخلق يعني وقت آدم عليه السلام خرج عن أمر ربه عصى ربه سبحانه وتعالى فسق عن أمر ربه لما أمره الله بالسجود لآدم عصى وأبى وكان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يعني عذاب من الله عز وجل لأن الله هو الذي يمرض ويشفي ويحيي ويميت ويدبر الأمر أما هذا حجر أما هذا حجر ما عنده أي شيء لا أمر ولا نهي ولا يملك ضرا ولا نفعا ولا يسمع ولا يبصر أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu, hein, ce qui ne t'est pas parvenu, alors suis-moi, je vais te guider vers un droit chemin. Ô mon père, n'adore pas le diable, n'adore pas le shaitan, car le shaitan est désobéissant envers le tout miséricordieux. Hein? Et il dit, le cheikh, que dans le fait d'adorer les idoles, eh bien, il y a une adoration du diable, du shaitan. Parce qu'en réalité, c'est le diable qui adore, c'est le diable qui ordonne aux créatures et aux êtres humains d'adorer les idoles. Le cheikh, il dit que les idoles elles-mêmes, elles sont faites de pierre ou d'autres matières, elles n'ordonnent rien à personne. Hein? La statue, c'est pas la statue qui dit aux gens adorez-moi. La statue, elle parle pas, elle peut rien dire, elle peut rien faire. Hein? Donc, qui est-ce qui ordonne aux hommes d'adorer les statues? C'est le shaitan. Et donc, ici, le shaykh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset, la ta'aboudi shaitan. N'adore pas le shaitan. Certes, le shaitan est envers Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, ar-Rahman, désobéissant, asiyan. Et le shaykh, il dit, ça c'était au début de la création, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a fait sortir Adam, lorsque Adam alayhi salam a été créé, et que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au shaitan de se prosterner devant Adam, et que lui, il a refusé. Donc, à cause de ça, il s'est rebellé contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a refusé le commandement de son Seigneur. Donc, il a désobéi. Donc le cheikh il cite dans ce verset kana lirrahmani asiya. Donc ça c'était la désobéissance de Iblis, hein. Et il dit ensuite ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya, yani adhabun min Allah azza wa jal, li'anna Allah huwa alladhi yumridu wa yashfi. Donc il dit Ibrahim alayhi salam, il dit donc à son père, ô mon père, je crains qu'un châtiment du tout miséricordieux te touche et que tu sois un allié du shaitan à cause de ça, hein, parce que si tu ne lui obéis pas ou si tu ne suis pas le droit chemin. Et donc il dit c'est un châtiment d'Allah, parce que en réalité le cheikh il dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que quelqu'un soit malade ou qu'il soit guéri. C'est Allah qui fait que quelqu'un puisse vivre ou qu'il meure. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle toutes choses dans la création. Et le cheikh il dit, tandis que la pierre, eh bien elle n'a rien, et elle ne peut rien faire, elle ne peut ni ordonner, ni interdire, et elle ne détient pas la capacité de nuire, ni de profiter, et elle ne peut pas non plus entendre, ni voir. Et il dit ensuite, en citant le verset, أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Je crains qu'un châtiment te touche de la part de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, alors tu serais un allié du shaitan. يعني يتخلى الله عنك ويكلك إلى الشيطان. الشيطان لا يستطيع أن يخلصك من عذاب الله عز وجل. كلام بليغ يدخل القلوب. حجج واضحة وحجج حجج براهين أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يتولاك الشيطان ولا يستطيع أن يخلصك أو لا يريد أن يخلصك أيضا الشيطان عدو لا يريد لكم الخير أبدا فتكون للشيطان وليا يعني ويتخلى الله عنك ولا تكون وليا للشيطان ولا تكون وليا للرحمن سبحانه وتعالى فهذا من أوصاف أولياء الشيطان أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من الأشجار والأحجار والأضرحة والقبور والأولياء والصالحين كل هذا من الشيطان هو الذي يأمر بهذا ومن فعله ولم ينتهي عنه فإنه يكون من أولياء الشيطان صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il termine l'explication de ce verset là en disant que il dit Ibrahim alayhi salam il dit à son père je crains que un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala te touche alors tu serais du nombre des alliés du shaitan, des alliés du diable. Il dit c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il va te laisser, il va t'abandonner et il va t'abandonner au shaitan. Et le shaitan, il ne pourra pas te sauver du châtiment d'Allah. Et le cheikh dit que ça, c'est une parole éloquente, une parole touchante qui rentre dans les cœurs. Et c'est des arguments clairs et des arguments évidents. Et il dit donc que le shaitan, il va... C'est le shaitan qui va devenir ton allié et il ne pourra pas te sauver du châtiment d'Allah. Et non seulement il ne pourra pas te sauver, il ne veut même pas non plus te sauver, parce que le shaitan c'est un ennemi pour l'être humain. Il ne veut jamais du bien pour les êtres humains. Et donc, yani, tu serais un allié du shaitan et Allah va te laisser, hein, va t'abandonner si tu le suis, si tu suis le shaitan. Et si tu deviens un allié du shaitan, et tu ne peux pas être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça fait partie des caractéristiques des alliés du shaitan, que ils adorent autre que Allah, ils adorent les arbres, ils adorent les pierres, ils adorent les tombes, ils adorent les tombeaux, ils adorent les hommes pieux, hein, les hommes vertueux, ils les prennent comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ça vient du shaitan en réalité, parce que c'est le shaitan qui ordonne aux hommes de faire ce genre de choses. Et yani, ça fait partie de ses actions à lui, le shaitan. Et il ne cesse pas d'essayer de faire tomber les hommes dans le shirk et dans l'égarement. فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ. Donc celui qui ne cesse pas de le faire, d'adorer autre que Allah et de tomber dans, d'adorer les choses que il y en a en dehors d'Allah. Donc celui qui ne cesse pas de faire ça, eh bien il va être parmi les awliya du shaitan, les alliés du diable. Nasallallahu al-afiyah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis on continuera demain la suite, l'explication des autres versets que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Il reste un ou deux versets seulement. Il reste en fait le verset dans Surat al-Mumtahana. Donc on va l'expliquer demain, inshallah. Puis après, le cheikh, il rentre dans un autre point parmi les points du livre. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, à cet endroit-là, puis on continue la suite demain, bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayku sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alameen.